Voici votre bulletin régional. Le 14 février, une fête de l'amitié est organisée par les membres de la FADOC, les Montagnards de Dodgewell. Plus d'informations auprès de Gaétan ou Marcel. Plaisir d'hiver à Cookshire. Rendez-vous au chalet des patineurs le 14 février. À l'horaire, jeu de glisse, activité familiale, tournoi de hockey amical, cantine sur place. Pour plus d'informations, 819-875-5681.